Thank you. Adesso la puoi vedere. Thank you. blues Oh j'ai le blues Oh j'ai le blues de toi Là tu vois, je joue sur Arturia. Je suis Arturia. Ça vaut pas un Fender, crois-moi. Mais c'est plus facile à transporter, tu vois. Surtout à régler. Il est quelle heure, tu vois? Il est quelle heure, tu vois? Il est quelle heure?